pas décidé de vivre par les armes, par le vol, la violence. C'est bien rare quand il meurt au fond de son lit. On s'aimait, il s'aima, et l'oseille me tuera. Maman, je t'aime, mais ton fils n'a plus peur. T'as pas d'oseille, t'as pas de malheur. T'as du sang sur les mains et t'en faut sur tous les billets. Ils disent que t'as recadre de motos qui sont passées. Tu récupères le terrain car les anciens sont dépassés. Où les ennemis le savent que t'es affamé d'oseille. Que t'envoies des rafales, que ça fait briller le ciel. Tu fais blairer des mères et elles prient toutes pour que tu payes. Des malades vont s'abattre sur la cité, tout ça pour l'oseille. On s'aimait, il s'aima, et l'oseille le tuera. Maman, je t'aime, mais ton fils n'a plus peur. T'as pas d'oseille, t'as pas de malheur. Pour un tas d'oseille, à 100 à l'heure, on va faire l'oseille. Pour un tas de malheur, on pense qu'à l'oseille. Un son comme ça de temps en temps, il faut briser la glace. Et cette musique de fils de pute qui m'a ramené la poisse. Des jaloux, des envieux qui veulent te monter dessus. Poto, t'es qu'une salope, donc tu m'as jamais déçu. Du répertoire et je repars de plus belle. Et quelques liasses plus tard, j'ai rempli le sac poubelle. Plus rien ne fait plaisir, non, plus rien ne fait bander. Je te jure, y'a qu'avec toi que j'ai baissé la garde. Je me suis perdu, t'as juré pas m'abandonner. Je pense à Dieu, puis à tes yeux lorsque tu me regardes. Ce cas c'est toi et moi, ne t'inquiète pas, je serai à l'heure. Non, je raterai pas l'avion, raterai pas mes prières. L'argent ça les malheurs, poto, je suis pas né d'hier. C'est seulement que ça va trop vite et j'ai la tête dedans. J'ai le sens des valeurs, mille quelques sous dans les broliques. Une petite villa sous les tropiques, bien à l'abri du vent. On s'aimait, il s'aima, et l'oseille le tuera. Maman, je t'aime, mais ton fils n'a plus peur. T'as pas d'oseille, t'as pas de malheur. Fais une pause et fais le point gros. La vie c'est une bataille. On se transforme en racaille quand on voit une somme posée ou bien des fils de pute.